Je lâcherai rien et n'allez rien vous imaginer. J'écrirai sur la route comme de palmas toute la sainte journée. J'ai trop la dalle, je vous l'ai déjà dit, je peux pas jeûner. Le rap, mon train de vie, le temps passe et moi je ris jaune. Vous voyez, je ris jaune, le temps passe, je suis plus trop jeune. Mais le rap, je l'aime, comme la Marie-Jeanne, il est mon oxygène. Oh, si je lâcherai pas l'affaire, les gars, je m'en bats, ça gêne. Du Nokia au Sagem, le messager, je lâche rien, c'est dans mes gènes. Furax, mon blaze depuis le début. À l'époque, avec Alex, le gravait sur les autobus. De vandales dans un wagon, les mots deviennent des obus. Rappelle-tu ces scandales dans la rue quand on avait trop bu? Te rappelles-tu que j'ai trop lâché, que je lâcherai plus rien? Le mic me vaut rien, ce qui se met cher et la ville vaut bien. Te rappelles-tu qu'on s'est fâché, car je valais rien? Trop de mauvais choix à chier, comme l'Amérique et ses raids aériens. Te rappelles-tu qu'on s'est gâché, le corps de drogue en sachet? Aujourd'hui, hachichi, alcool, frein pour sécher. Te rappelles-tu de nos péchés, ces soirs de gouache? Je place ça pour nos noches, derrière ces barres ou à Userche. Non, je lâcherai rien, mes deux frères que la prison contient. Je lâcherai pas une arme dans ce matron de Jean-Paul Gaultier. Je lâcherai pas un sou pour sauver la vie d'un îlot. Je lâcherai rien, mis le dieu, même le pied dans le mortier. Je lâcherai rien, gars. Je lâcherai rien, j'serai rien, gars. Si je cherche dans le dico, on va lâcher rien au micro. Je lâcherai rien, gars. Je lâcherai rien, j'serai rien, gars. Si la fille est une chienne, ce sera moi le chien. Je lâcherai rien, gars. Je lâcherai rien, j'serai rien, gars. Moi si j'ai trop de mordants, c'est que la fille n'a rien d'ordant. Je lâcherai rien, gars. Je lâcherai rien, gars. Je lâcherai rien, moi, gars. Je lâcherai rien même si le temps passe, hein. Même seul dans le bassin, hein. J'arracherai le mic comme bon assassin. Et oh, au nom de la sauce, gars, je sauce ça sans la scène. Mon heure me sonne, rap peut-être jamais comme trop de personnes. Donc je braille fort pour que ça résonne et que ça parsème. Avec ou pas de scène, là tu sais que je te parle sans ça sème. Mais que je m'en bats tant que ça sonne et que mon son sème. Des graines sous le ciment qui feront pousser, voyez les consonnes. Non, je lâcherai rien, la haine me consomme. Comme ce putain de joint me consume, la haine me ponctionne. Non, je lâcherai rien, la haine me consomme. Elle me fournit vitamine AC, acide et calcium, gars. Je peux pas lâcher, le mic est mort, on est greffé et gaffé. Le gars sous ma tête est agrafé. Non, je lâcherai rien comme leur faux juge et leur greffier. Coupe sous son poteau, juge ma putain griffier. Je cracherai sur l'instru tant qu'on aura défié. Donne-moi tes bêtes de prod, des sons de bâtard pas pour fillette. Je cracherai sur l'instru tant que ma langue sera déliée. Je verse au bientôt cancer, tant je casse comme un bélier. Coupe ma gueule, je lâcherai rien, on est lié. Le hip hop et moi pour pas un billet, et puis on y est. Chaque soir comme au bistrot pour ses piliers. Je lâcherai rien comme Jackie qui dit la même folie. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, gars. Si je cherche dans le dico, on va lâcher rien au micro. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, gars. Si la fille est une chienne, ce sera moi le chien. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, gars. Moi si j'ai trop de mordants, c'est que la fille n'a rien d'ordant. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, moi, gars. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, gars. Si je cherche dans le dico, on va lâcher rien au micro. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, gars. Si la fille est une chienne, ce sera moi le chien. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, gars. Moi si j'ai trop de mordants, c'est que la fille n'a rien d'ordant. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, gars. Je lâche rien, je serai rien, moi, gars.